Publiée en 1840 par Prosper Mérimée, Colomba est la dernière des nouvelles que j'ai choisies pour vous présenter l'œuvre romanesque de cet écrivain. Quelques années après Waterloo, un lieutenant corse, en demi-solde, Orso Antonio della Rebbia, regagne son pays natal. Pendant la traversée, il fait la connaissance d'un colonel anglais et de sa fille unique, Miss Lydia Neville, qui apprennent d'un matelot que 2 ans auparavant, le père d'Orso, le colonel della Rebbia, a été lâchement assassiné et que sans doute le fils Orso revient en Corse pour venger son père. Avant de partir pour son village natal, Pietranera, au nord de Bastia, Orso reste plusieurs jours à Ajaccio. Ou bien il va à la chasse avec le colonel Neville, ou bien il s'entretient longuement avec Lydia, qui le voit tantôt repousser avec horreur toute idée de vengeance, tantôt s'en laisser obséder. Mais un jour, Lydia pense qu'elle a réussi à tuer en Orso l'instinct du pays.